Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, reste là, je ne veux pas qu'on te voie. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je verse du whisky dessus et tire une bouffée d'une cigarette. Et les putains et les barmanes, les employés d'épicerie, ne savent pas qu'il est là. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, tiens-toi tranquille, tu veux me fourrer dans le pétrin? Tu veux foutre en l'air mon boulot? Tu veux faire chuter les ventes de mes disques en Europe? Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je suis trop malin. Je ne le laisse sortir que de temps en temps la nuit, quand tout le monde dort. Je lui dis, je sais que tu es là, alors ne sois pas triste. Puis je le remets, mais il chante un peu, là-dedans. Je ne le laisse pas tout à fait mourir, et on dort ensemble, comme ça, liés par notre pacte secret. Et c'est assez beau pour faire pleurer, mais je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Et vous ?